avec moi pour la paix sur terre, de chanter avec moi, c'est ce que tu voudrais faire. Chante avec moi, as-tu mieux à faire que de chanter avec moi? De chanter avec moi, c'est ce que tu préfères. C'est ce que tu préfères, mon frère. Chante avec moi, chante avec moi. As-tu mieux à faire que de chanter avec moi? Chante avec moi, as-tu mieux à faire que de chanter avec moi pour une fois? Chante avec moi pour la paix sur terre. Chante avec moi, as-tu mieux à faire que de chanter avec moi pour une fois? Chante avec moi, chante pour la paix sur terre. Pour la paix sur terre, de chanter avec moi, c'est ce que tu voudrais faire.